Marie-Josée Gagnon, une collègue d'éducation spécialisée, nous a préparé une petite conclusion et on arrive après à la période de questions. Je serai brève parce que j'ai vraiment hâte de vous entendre, mais êtes-vous suffisamment inquiet? Oui. Êtes-vous suffisamment en colère? Oui. En tout cas, moi, je trouve que des occasions comme celle-là, ça nous permet de chauffer le poil un petit peu. On a entendu, j'ai chaud en plus, mais on a entendu nos collègues qui parlent des femmes, des étudiants, des CPE, puis nous. Ben, on est touché aussi directement, les professionnels, les professeurs, le soutien, etc. On est touché par ces mesures d'austérité-là. On est touché par les demandes patronales. On l'a dit, hein, dernière assemblée générale, c'est pas des offres patronales, c'est des demandes patronales. On est touché dans notre autonomie. On est touché dans le désir qu'on a d'enseigner, d'aider la population, de soutenir les services publics. Ça me touche beaucoup d'entendre tout le monde ici parler des impacts. Puis je pense qu'il est temps qu'on se lève. Je pense qu'il est temps qu'on prenne notre courage, qu'on se lève, puis qu'on dénonce. On dénonce la violence avec laquelle on se fait frapper. Je t'ai émue, je m'excuse. On a besoin de dénoncer ça, on a besoin de nous faire entendre, on a besoin de se mettre tout le monde ensemble pour dénoncer. C'est ça, la violence, l'agressivité avec laquelle on se fait attaquer partout, on se fait attaquer sur tous les fronts, on se fait attaquer de façon froide aussi, sans qu'il y ait de place. Remarquez qu'on nous entend pas beaucoup dans l'espace public, on nous laisse pas beaucoup de place, fait que je pense qu'il est temps qu'on se solidarise ensemble, je pense que c'est un début. Puis voilà, samedi, il y a une grosse manif qui est appelée Place Émilie-Gamelin, où on va être là avec la bannière. On va prendre position, on va être là. Alors, il annonce beau, en plus. Fait que je pense qu'il faut y aller. Mettez des grosses bottes puis des mitaines, là, puis allons-y. Fait que voilà, j'ai hâte de vous entendre.